digestion for all. Fuck off, moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey, libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air, hey. De l'Ariane à Saint-Lévesque, à Tourcette, à Tourcette, à Saint-Lévesque, Tourcette, à Tourcette, à Saint-Lévesque, Tourcette, fucking dude. Et vive le rock libre! Arthur King and the Original avec la pièce Skawar. C'est le camarade B qui vous accueille pour cette 477e émission de Sky Punka. Bon vieux classique d'émission punk qui joue assez fou depuis presque bientôt à un moment donné cet été. Bon, je vais pouvoir dire 12 ans. Et en ce 12 avril, on commence en vieux Sky, en vieux reggae aujourd'hui. Après ça, nous aurons du ska et du reggae plus récent. Par la suite, nous allons tomber en ska punk, en oi. Nous aurons également du bon street punk, du psychobilly et du rockabilly aussi, bien sûr. Bref, émission très variée comme d'habitude. Il y aura également du folk punk aujourd'hui, comme d'habitude. Et puis, ouais. Donc, avec des bands qui font le tour de la planète, comme tout le temps. Et puis, c'est cela. Alors, qui était Arthur Kay? Eh bien, c'était un des membres de la formation Oi Last Resort. Mais il y avait un autre band aussi qui était un band de reggae, et de ska aussi, qui s'appelait Arthur Kin, The Original. Et il y a un de ses amis aussi, des fois, qui l'accompagnait dans ses spectacles, Judge Dredd. Ce qui avait bien sûr fait qu'à un moment donné, Judge Dredd a fait une pièce avec son groupe The Original. Donc, c'est pour ça aussi qu'il existe Judge Dredd and The Original. Et il a fait une reprise de la chanson Skinhead Moonstorm qui avait été composée par Simon Rip, bon vieux groupe Skinhead Reggae des années 1960, avec justement la chanson thème de l'album Skinhead Moonstorm. Et puis celle de Judge Dredd est vraiment très très comique. Faut dire d'ailleurs que pour les Jamaïcains, c'était un des meilleurs blancs à faire du reggae. Pour eux autres, ils trouvaient que lui, il l'avait l'affaire parce que, tu sais, il avait un langage très cru, puis les Jamaïcains aimaient vraiment ce type-là. Par la suite, nous aurons The Special avec la pièce Concrete Jungle. Puis ça va s'enchaîner avec The Riff et la pièce Monday Morning. Donc, on y va sans plus tarder avec Judge Dredd et sa version de la pièce Skinhead Moonstorm. Et vous allez voir, elle est vraiment très drôle. Five, four, three, two, one. This is only the beginning. I want all you skinheads to get up on your feet. Put your hands on your braces and your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping. Get ready. Here we go. We've got 3 million miles before we reach the moon. So let's start getting at me. Now are you ready? Sing! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Louder! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now, before we reach on the moon, people, we've got to make sure everything is spick and span. So make sure you shine your boots. As mine's a size 11, that makes me the boss. My name is Dredd, Judge Dredd. And when I say sing, I want everybody to raise their hands in the air and sing! Here we go! Show you how to do the moon stomp. All you do, put your boots on the floor, shuffle around a little bit, and here we go. Stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp. That's the way. Stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp. You do it. Stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp. Yeah, yeah. Stomp, stomp, stomp, stomp, stomp. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye can be. Are you ready, skinheads? Are you ready? Let's hear ya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On behalf of the captain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, we thank you for flying Skinner Airways to the moon. Yeah, yeah. Yeah, The Riff avec Monday Morning. Je sais pas si vous vous rappelez le groupe ska de Trois-Rivières qui s'appelait Alaska, mais ça faisait partie de leur répertoire, cette pièce-là. C'était une de leurs reprises qu'ils reprenaient dans leur spectacle. Si jamais il y a du monde d'Alaska qui écoute l'émission, ben, ça la gang. Une reformation, ça se pourrait-tu à un moment donné? Ça serait drôle. Bon. Et pour ceux qui savent pas de quoi que je parle, ben, vous savez pas de quoi que je parle, c'est tout. Vous êtes trop jeunes. En tout cas, ça recule de deux pièces. On avait eu Judge Dredd avec sa version de la pièce Skinhead Moonstomp. Et par la suite, on avait eu The Special avec Concrete Jungle. Maintenant, nous allons enchaîner avec du ska et du reggae plus moderne. Avec The Slackers et la pièce How It Feel, extrait de leur album qui s'appelle The Greatest... The Great Rocksteady Swindle, plutôt, paru il y a 2 ans, avec la chanson How It Feel. Ensuite, nous aurons The Fundamentals avec la chanson Gun. The Fundamentals, eux autres, qui seront en spectacle bientôt à Trois-Rivières, avec PL Mafia, The Slum, ainsi que Frank Bartar à l'appart. Et ça sera... Ben oui, c'est à l'appart. Et c'est pour la journée. OK, c'est le 27 avril. Donc, le 27 avril 2013, à 20h, il va y avoir un très bon spectacle ska à Trois-Rivières, à l'appart, qui est une très bonne place, qui est grande en plus. Puis, il y a de la place là-dedans. Et donc, c'est ça. Alors, il y aura The Fundamental, PL Mafia, The Slum, ainsi que Frank Bartar. Yes! Bon. Et donc c'est ça. Alors pour The Fundamental, la pièce qu'on va entendre, c'est Gun. Et par la suite, nous aurons une des très bonnes nouvelles pièces de la bonne vieille formation ska montréalaise de Planet Smashers, qui dans la Third Wave est la seule formation à avoir continué depuis 1995. Ouais, c'est ça. Depuis 95 que ça existe. Puis ben, ils lâchent pas les boys, puis ils continuent. Puis c'est le fun, ça. Donc, c'est ça, la pièce My Obsession, qui est extrait de leur plus récent album, sorti l'année passée, qui s'appelle Descent into the Valley of the Planet Smasher. Donc, on y va, sans plus tarder, avec The Slacker et la pièce How It Feels. T'écoutes Skypunka avec le camarade B. Ça, c'est celui qui parle derrière le micro pis que tu vois pas parce que tu l'écoutes à la radio. Et puis, tout juste avant le bloc de publicité, on a eu The Slackers avec How It Feels, The Fundamental avec Gun, ainsi que The Planet Smashers avec My Obsession. Maintenant, on s'en va en musique avec une très bonne formation anarcho-ska-punk qui nous vient de l'Angleterre, mais plus précisément de Bristol, c'est-à-dire Spanner, avec 4 pièces extraites de leur tout nouvel album Crisis. Pourquoi? Eh bien, c'est que Spanner entame une tournée canado-québécoise à partir de la semaine prochaine. Donc, ils vont se promener dans pas mal de places. Et vendredi prochain, ben, je ferai pas d'émission car Spanner est à Montréal et puis le camarade B, il est à Montréal en train de le regarder parce que je manquerai pas ce spectacle-là. Donc, Spanner, c'est ça. La semaine prochaine, ils sont en spectacle vendredi prochain à l'hémisphère gauche avec Jeunesse Apatride ainsi que la formation folk punk de Québec, Farley's Fury. Et ça. C'est à l'hémisphère gauche, comme j'ai dit tantôt. Le spectacle devrait commencer à quelle heure? Bon, là, j'ai manqué. Bon, il me semble que j'avais vu 20. Bon, OK, c'est beau. Donc, à 9h, ça va finir à 3h, si je me fie à ce que t'écris là. Donc, de 9 à 3, Jeunesse Apatride, Spanner, ainsi que Fallis Furies sont en spectacle à l'hémisphère gauche à Montréal. Et puis, quoi dire de plus que... C'est où ça, l'hémisphère gauche? C'est au 221 Beaubien S à Montréal. Puis là, on s'en va en musique avec justement Spanner et la chanson Crisis, Choose to Refuse, Autonomous Spaces, ainsi que Number One. Et plus que le temps file, nous allons plutôt enchaîner avec Jeunesse Apatride qui seront là également, avec trois de leurs compositions, c'est-à-dire Hochelaga, extrait de l'Arme au Point, La Victoire Sommeil, ben, chanson thème de l'album qui s'appelait La Victoire Sommeil. Et puis après ça, nous aurons Dure Réalité, qui elle se retrouvait sur Black Block and Roll. Donc, allons-y sans plus tarder avec la formation anglaise Spanner et la pièce Crisis et toutes les bonnes choses que je viens tout juste de vous dire. We're all in this together. It's what British business says is necessary, so we have to see this through. We have put the national interest first. We've made the tough choices. It's no good to say this was just a very small minority. It wasn't. There were quite a number of people who clearly were there wanting to pursue violence and to destroy property. Feel the full force of the law. It's been a long time since anyone said no to you, hasn't it? Trapped, we've all got a share in this crisis. Now's the time to fight. spectator, watching them run and ruin your life. Vote X Factor, Big Brother, choose one life of shit or another. So much choice is so exciting, voting changes nothing! Spaces, it's the greatest moment. What's on the spaces? Sœurs, Jeunesse Apatride, avec la chanson Dualité. Puis désolé si ça a arrêté de jouer tantôt. Ça a l'air que le lecteur numéro 3 s'en vient moins coopératif qu'avant. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, tout juste avant le bloc de publicité, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on va reculer de 7 pièces. Tout d'abord, on avait eu 4 chansons de la formation anarcho-ska-punk britannique Spanner. Donc, on a entendu Crisis, Choose to Refuse, ainsi que Autonomous Spaces et Number One. 4 pièces extraites de l'album Crisis que vous pouvez retrouver sur l'étiquette canadienne Rebel Time Record. Vous avez le choix en vinyle ou sinon en téléchargement sur le site Rebel Time Record. Et puis après ça, on a eu Jeunesse Apatride avec Hochelaga et La Victoire Sommeil. Puis on avait, on était supposé terminer avant le bloc de publicité avec Dualité, mais finalement, bon. Puis en rediffusion, vous êtes chanceux, il n'y a pas de problème. Fait que vous imaginez sûrement pourquoi je parle de ça. Mais pour le live direct, là, ça n'a même pas de sens qu'est-ce que je dis. Aïe aïe, vive la technologie. Bon, alors, Spanner et Jeunesse Apatride seront en spectacle la semaine prochaine à l'hémisphère gauche à Montréal. Et comme j'ai dit tantôt, le spectacle, en fait, je sais pas si c'est le spectacle ou c'est les portes qui ouvrent sûrement que c'est les portes qui ouvrent à 9h, car, en tout cas, sur l'annonce, c'est écrit que c'est de 9 à 3h, donc j'imagine que ça ouvre à 9h, et sûrement que le spectacle finit avant 3h, mais en fait, tu sais, avec la musique, ça dure jusqu'à 3h. Bref, c'est parfait. Apparemment que la bière est bien bonne aussi à l'hémisphère gauche. Bon. Et puis, il va y avoir aussi le groupe folk punk irlandais Fallis Frey. En tout cas, folk punk de Québec, mais tu sais, très Irish, genre comme The Pogue. Donc, Fallis Frey seront là aussi pour ce spectacle-là. Donc, très bon spectacle le vendredi prochain à l'hémisphère gauche. Puis, si vous avez envie de savoir c'est où ça, ce fameux bar-là qui s'appelle l'hémisphère gauche, eh bien, c'est situé au 221 Beaubien, Montréal. Oui, à Montréal. Mais 221 Beaubien S. C'est toujours pratique de savoir la direction où aller. Ouais. Bon, OK. En tout cas, on s'en va en musique avec Offer the Head et la chanson Start Walking. C'est leur nouveau vidéo. Puis c'est extrait de leur nouvel album qui s'appelle Home. Ensuite, nous aurons La Gâchette avec Réclamation. Les Sales Majestés avec la chanson Sois pauvre et tais-toi! J'aime ça, c'est un titre comme ça, tu sais. Ouais. Ça a été fait en 2010. Et c'est ça, ça. C'est bon. Ça punch. C'est du bon punk rock. Et puis après, nous aurons The Fallout avec la chanson Peace, Love and Anarchy. Donc allons-y sans plus tarder avec la formation Off With Their Head et la pièce Start Walking à Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. There are no words to describe the awful feeling I have inside. So I got down. Not the same as it was last time. It's so much worse. Something that drives me out of my mind. It's a long way back to be anything that anyone could love. Cause I think it's fun. It never helps. It turns me into my father's son. Here comes the line and it takes my hand. We go to a place where I can't stand the skin I'm in. It's a long way back to be anything that anyone could love. Goodbye.

know those moments in your life when hey, wins and losers. When you find yourself with a gun in your hand and an empty bottle of booze, pain tortured my soul. God, they have killed you. We ran around with our guns. Thank God we didn't catch them. There's no angel, there's no Jesus, not even a cross of lower grade wood. There's no candle and no flowers, no epitaph cut from the stone wound. Rebels never rest. You were only 17 when they ambushed you and shot that liquid trash through your wings. They took your life in such a curly way, came from the back and ran away. Fuck the police, there ain't no justice. There's no need nowhere to find out what they have done to you. There's no angel, there's no Jesus, no need to cross the floor of red wood. There's no candle and no flowers, no epitaph cut from the stone. There's no angel, there's no Jesus, no need to cross the floor of red wood. There's no candle and no flowers, no epitaph cut from the stone. Rebels never rest. Push off, disowned, hated, and abused. You never had a chance, you never had a choice. A poor boy born to lose. God rest your soul, you don't belong here. No one will remember you, but I will never forget you. There's no angel, there's no Jesus, not even a cross of lower red wood. There's no candle and no flowers, no epitaph cut from the stone. There's no angel, there's no Jesus, not even a cross of lower red wood. There's no candle and no flowers, no epitaph cut from the stone. Alors, nous entendons tous très très bien The Porters avec la pièce Nameless Grave. Nous allons enchaîner sans plus tarder avec The Pogues et la pièce Navigator. Et tout juste avant The Porters, nous avons eu Nat Chase Shakers avec A Prayer on the Hill. Et là, je vous laisse en musique. Sweat and their guts. They never drank water, but whiskey by pints. And the shanty towns rang with their songs and their fights. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Your pick and your shovel and a bowl of dynamite for the ship the few tons of this earthly delight. Yes, to ship the few tons of this earthly delight. They died in their hunt. hundreds with no signs of murkware. Save the press in the pocket of the entrepreneur. By landslide and rock blast, they got buried so deep that in death, if not life, they'll have peace while they sleep. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and a bowl of dynamite. Burn a ship that gives tons of this earthly delight. Yes, to ship the few tons of this earthly delight. Fortunes were made. The supply of an empire where the sun never set, which is now deep in darkness, but the railway's there yet. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and a bowl of dynamite. Burn a ship a few tons of this earthly delight. Yes, to ship a few tons of this earthly delight. Bande de pouilleux, vous écoutez toujours Skypunka sur les ondes de C'est Fou, la radio Campus de Trois-Rivières. Et puis, on a entendu pas mal d'affaires au cours des dernières minutes. En tout cas, si on recule de ben des affaires, là, on avait eu Off With Their Head avec Start Walking, La Gâchette avec Réclamation, Les Sales Majestés avec Sois Pauvre et Tais-toi, The Fallout avec Peace, Love and Anarchy, Natchez Shakers avec A Prayer on the Hill, The Porters avec Nameless Grave, The Porters avec Navigator. Maintenant, on enchaîne avec Berrurier Noir et Comme un Bouddha! Adrien, avoue que j'ai le lait, hein? Le cri. Hein? Comme un Bouddha! On comprend la tempête de neige ce soir. Il n'y avait pas de neige quand j'ai programmé ça. Et ouais. Puis après ça, nous avons... J'avoue que ça fit encore après avec Tempête de neige. Ludwig von 88 et Les fantastiques aventures de Monsieur McDonald au Pays des Merveilles avec 30 millions d'amis. Ensuite, nous aurons La Souris déglinguée avec Les Jeunes Cons ainsi que Los Fastidios avec J'aime T'es comme Noy. Puis j'espère réussir à pouvoir tout faire jouer le reste parce que... ouais. Mais la question, c'est sur quel album il est ce morceau des Ludwig? Merde, faut que je sorte mon CD. Oulala 2, la mission. Oulala, c'est la version tranquille. Là, parce que j'avais oublié le morceau, j'étais en train de chercher, mais il était sur quel album, tu vois? C'est bête comme ça, mais... Ouais. Je peux te dire que j'ai connu quelqu'un qui venait du sud de la France, Jérôme, pour pas nommer. Il connaissait toutes les pièces des Ludwig. Fallait juste le partir, puis quand il partait, il partait. Mais là, musique. Et rester. Comme un Bouddha! Comme un Bouddha! Comme un Bouddha! Comme un Bouddha! Comme un Bouddha! et qui boivent du lait de soja, qui deviennent tous des bouddhas. Au pays des merveilles. 1, 2, 1, 2, 3, 4, fuck. Il y a dans le ciel des milliers d'abeilles. Z, z, z. Il y a parmi nous plein de kangourous. Hop, hop, hop. Il y a dans la mare de tout petits canards. Quack, quack, quack. Il y a des gros matous. Miaou. Il y a des éléphants. Mais... et même les ours blancs, et tous dans de le coup, pour montrer leurs belles dents, pour montrer leurs belles dents, ratataplan. Il y a dans le ciel des milliers d'abeilles, ça vient parmi nous, plein de kangourous, il y a dans la mare. Petit canard, il y a des gros matous, il y a des éléphants, il y a des petits toutous, et même des ours blancs, et tous dans le cou, pour montrer leurs belles dents, pour montrer leurs belles dents, ratataplan. Il y a dans le ciel des milliers d'abeilles, ratataplan. Il y a parmi nous plein de kangourous, il y a dans la mare de tout petit canard, il y a des gros matous, il y a des éléphants. Il est même des ours blancs, et tous dans le cou, pour montrer leurs belles dents, pour montrer leurs belles dents, ratataplan. Yeah. pieni di questa città. Minoranza estrema, ideali veri, lo stesso orgoglio oggi come ieri. La gente come noi, giorno in piazza, sera in osteria. La gente come noi, musica, lotta ed allegria. We are punks, strani alieni di questa città. Nessuna bandiera, nessun padrone distruggerà la nostra unione. United and strong, hey, remember where you were born. United and strong, come on, together, fight and fall. Questa città, minoranza estrema, ideali veri, lo stesso orgoglio oggi come ieri. La gente come noi, giorno in piazza, sera in osteria. La gente come noi, musica, lotta ed allegria. United and strong, hey, remember where you were born. United and strong, come on, together, fight and fall. We are skinheads. We are punks. Yeah, Los Fastidios avec la gente comme noi. Juste avant ça, son recul de trois pièces, on avait eu les Berruriers Noirs avec Comme un Bouddha. Ludwig von 88. Avec les fantastiques aventures de Monsieur McDonald au Pays des Merveilles, qui s'enchaînait avec 30 millions d'amis. Oula oulala. Aha! De la mission. Et puis après ça, on avait eu La souris déglinguée avec Les jeunes cons. Maintenant, on se laisse en psychobilly et en rockabilly avec Madsen et la pièce Burn and Rise, extrait de l'album portant le même nom, et c'est le plus récent album de cette formation psychobilly allemande. Ensuite, nous aurons The Phantom Creep qui nous vient de l'Ouest canadien avec la chanson Black Rose, extrait de leur album Hellbilly Rebel Fire. Et si on a du temps, plutôt aussi, Adrien me laisse gruger du temps sur son émission, mettons une minute ou deux. Le barbu fait non. Non, je rigole même. Oh, j'ai aussi un programme chargé, donc on va voir, on va s'arranger. Merde! En tout cas, on aura Joe Strummer de Mescaleras avec Silver and Gold. Elle dure même pas deux minutes. Elle est bonne? Je te fais confiance. Ok. Allez, on voit ça. À la prochaine, tout le monde! Mais c'est dans deux semaines. Et à tout à l'heure pour moi, d'ailleurs. Eh oui, j'ai oublié. Ouais, finalement, je crois que pour Joe Strummer, ça va être en... Ouais. Ok. Eh, bon, prends mon temps. Pour Joe Strummer, ça sera pour ceux qui vont écouter la reprise, parce que finalement, ouais, non, j'aurai pas le temps, puis ça va être chien pour Adrien. Alors, la semaine prochaine, j'avais oublié de le dire, pas d'émission, parce que je suis au show de Spanner et de Jeunesse Apatride. Adrien, en suspens encore pour l'instant? En suspens, c'est ça, on sait pas encore, ça se discute. Fait que vous verrez bien la semaine prochaine, mais en tout cas, pour ce qui est de Sky Panka, pas d'émission la semaine prochaine, ça ira à dans deux semaines. Donc, bye bye, à dans deux semaines, toujours entre 20h... et 22h. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit en début d'émission, eh bien, après Sky Punka, c'est les bonnets rouges. De 22 à 23h avec moi, donc après quelques bons morceaux pour encore avoir des bons morceaux. Yeah! Pour vous laisser la chance de pouvoir continuer à boire et aller faire un petit tour au dépanneur si vous en restez plus de bière. Il y a une reprise quand même pour le reste. free and fear. Stick to your beliefs. You're a mighty God, it's not for me. Dancing every night, I'm gonna see all the city lights, I'm do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls and do everything silver and gold. And I got to hurry up before I grow too old. Things I know is wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. And I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. Gonna do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. Yeah, I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all y'all city lights. I'm gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old. Okay, that's a take.